Puissions-nous avoir entre nos mains cette clé mystérieuse qui doit nous ouvrir le séjour artistique de la vraie béatitude. Il n'y a pas de printemps plus charmant que celui de cette année où j'ai fait votre connaissance au creux d'un je fais silence car votre parole est comme la plus douce lumière de la plus blanche chez toi. N'appartenez pas à ce monde absurde. Je veux ouvrir pour vous la vitrine du monde enchanté des rois. L'esprit le moins chargé de bagages inutiles que j'irai à vous passionnément. Dans la nuit éternelle, j'envoie notre amour, mystérieuse émanation du cœur qui nous enchaîne sans le savoir. Respirons l'éternité. De la cascade chantant de la passion avouée, à l'éclaboussement chatoyant de l'extase physique, au lac calme et serein de l'amour partagé, jusqu'au bouquet étourdissant, flamboyant du concert de votre vie, du concert de votre vie.